you, meet you to soar the sky. Light of the world, let the flowers bloom and make us thrive. Thank you. present, you are here and never gone. Soul one of rain, you give us strength to survive. We'll be right back. middle high. Can't go back, can't go home. Closed are the alternate roads. Just hear the same old songs. And I no longer dream. Just watch the dust motes dancing. Bonsoir, bonsoir, c'est Prog à part, l'émission du rock progressif. On a commencé très très fort, moi je trouve, avec tout d'abord le dernier opus de RPWL. RPWL, les Allemands nous reviennent avec un album somptueux intitulé Tales from Outer Space. Donc un album tout frais moulu de nos Allemands préférés. Ensuite, on a continué avec pour moi l'album du mois. J'ai littéralement adoré. Ils sont américains. J'avoue que je ne les connaissais pas. Et ce groupe nous a envoyé une petite perle. Le jeu de mots est facile, c'est le titre de leur album, The Pearl. Et le groupe, attendez, je vais le mentionner, je ferai une métaphore. Oui, il s'appelle Métaphore, The Pearl, c'est le titre de l'album. Et c'est superbe, entre, je dirais, Camel et Pendragon, avec à la fois de la modernité dans le son et des claviers, notamment vintage. On a continué avec une formation allemande, cette fois-ci, on revient en Allemagne, un groupe qui s'intitule Electric Mud. La boue électrique, j'avoue qu'avec un nom comme ça et avec une pochette du disque, ça donnait pas trop envie. Et je l'ai découvert sur le tard, samedi ou dimanche, en préparant l'émission. Et j'ai littéralement craqué. Les amateurs de King Crimson auront reconnu l'influence. D'ailleurs, les messieurs font un clin d'œil dans le titre de leur album, puisque cet album s'intitule The Deconstruction of Light. The Deconstruction of Light. Electric Mud. On va poursuivre après ce trio allemand avec un vieil ami, pas par l'âge, mais par la durée. Tim Berners, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, à l'époque de Brume. On avait reçu avec Eric Lassauge son album Burnessence. Eh bien Tim, le revoilà, le revoilou, avec un album très très sympathique, de belles chansons pop prog, comme il sait les faire. Quel rêve êtes-vous en train de vivre? Whose dream are you living? Traversez-vous, vivez-vous? Whose dream are you living? Tim Berners, tout de suite, et ça vient tout juste de sortir, ou presque, 2017. Alors, il me sera beaucoup pardonné. De même que Electric Mud, c'est 2017. Mais vous savez, le temps que ça arrive jusque dans la boîte d'Acid Dragon. Say I love you. from mistakes along the way. C'est pas mal du tout ce petit Tim Berners, si j'osais, et puis je vais oser, ça me rappelle pas mal Tim Hunter. Tim Berners, whose dream are you living? On passe à deux petits fêlés, moi je les aime bien, ils sont un peu fous ces deux. Mélanie Mao et Martin Schnella, ils ont fait déjà plusieurs albums assez dingos. Et là, ils nous sortent une compilation qu'ils ont appelée « Pieces to Remember », des pièces, des morceaux, entendez, à se souvenir. Et ils reprennent des morceaux, un petit peu de tout, hein, de groupe, il y a un peu de tout. Je vais prendre le CD, il y a du Rio Speedwagon, il y a du Kansas, du Journey, Police, Peter Gabriel, Threshold, Genesis, Madonna, Spokesbeard, Iron, Nightwish, Judas Priest, Iron Maiden, Transatlantic et The Eagles. Et comme on a droit à être un peu fou, sur prog à part, et ben, j'ai choisi The Eagles. Tout de suite, donc, de Mélanie Mao et Martin Schnella, Pieces to Remember. Love will keep us alive, take two. One, two, three, four. When we're hungry, love will Voilà, j'ai fait un effort, j'ai passé un morceau live. Mélanie Mao and Martin Schnella. Eux, c'est des copains de très longue date, notamment le batteur. On était ensemble au lycée du Parc en classe prépa, en Hippocagne, lettres supérieures. Il s'appelle Michel Beria, c'est le batteur. Il a été batteur dans plusieurs groupes lyonnais de prog. Le premier que j'ai connu à l'époque, c'était Euphonia. Ensuite, le groupe s'est appelé Mardi Soir. Et maintenant, le groupe réduit à un trio s'intitule Ambre. Un joli nom pour une belle pochette et une très belle musique. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de Floyd. Bon, il y en a toujours eu, mais là encore plus. C'est très planant, c'est très soft, feutré. Très bien tourné. Ça s'intitule Inside Us, à l'intérieur de nous. Et je vous propose Tick Tock. Voilà, les Lyonnais d'Ambre. Tick Tock, there's the clock. Tick tock, goes the clock. Open your eyes and look at your life with all your senses to emphasize life and fill it with your heart. Focusing on the dark side of life. Focusing on the dark side of life. Focusing on the dark side of life. Avec un petit côté Steve Hackett, tout en douceur, Ambre, Inside Us. Vous le connaissez, JPL, si je vous dis Jean-Pierre Louveton, si je vous dis Nemo, entre autres, vous allez me dire, ah oui, le guitar héros, le guitar héros, et oui, je sais qu'il n'aimerait pas qu'on l'appelle comme ça, et pourtant c'est un de nos meilleurs guitaristes. Il vient de sortir en volume 3, de ces rétrospectives, et ben, ma foi, il y a des choses vraiment intéressantes. Rétrospection, pardon Jean-Pierre, rétrospection volume 3. J'ai choisi le numéro 4, le morceau numéro 4, des illusions avec un jeu de mots que j'aime beaucoup. Tout de suite, JPL sur le 100.7, et c'est Prog à part, l'émission du rock progressif. Ah!

regarder la lune pâle et filer les étoiles. On était seulement de passage, on se payait une escapade bien sage, en roulant pas très vite sur des routes que les touristes évitent. C'est vrai que c'est un pays en paix, en paix. Tu sais que la vie n'est pas si belle sur d'autres archipels. Sur d'autres archipels, sur d'autres archipels, sur d'autres archipels, sur d'autres archipels, sur d'autres archipels, sur d'autres commence notre récit, tout n'est que paix et silence dans le courageux petit village gaulois. Dunker ! Sol 100.7. Une émission bien colorée, je trouve, avec cette fois-ci, de la chanson progressive. J'ai beaucoup aimé le deuxième album de Jacques Dangoin, D-A-N-G-O-I-N. C'est un ami, on s'est rencontré à la médiathèque du Bachu, et donc c'est grâce à lui que j'ai pu intervenir sur le rock progressif britannique des années 70. Un deuxième album intitulé « Neuf traces », j'aime bien aussi le titre, qui date de 99. Retenez bien ce nom, ce monsieur a du talent. Et du coup, eh bien, on fait chapeau bas à ces messieurs, chapeau bas, hats off, gentlemen, it's adequate. C'est un groupe anglais que j'aime beaucoup, il manie l'humour avec raffinement comme peuvent le faire les Anglais, avec autodérision. Et donc un nouvel album intitulé Out of Mind, Out of Mind, ça leur est carrément sorti de l'esprit. Vous avez compris, c'est britannique, ça vient de sortir, le morceau World is Bad. Mustn't be forgotten. Thank you. We'll be right back. elle, car c'est une violoniste, s'appelle Ali, A-2-L-Y. Et son projet, c'est Ali the Fiddle, Fiddle, F-I-2-D-L-E, vous savez que ça veut dire violon. Elle vient d'Allemagne et son album s'intitule Hop, on monte tout là-haut. On attaque le dernier morceau de l'émission. J'aime bien de temps en temps réviser des classiques. Si je vous dis un trio, qui a explosé en Amérique du Nord, non, c'est pas ELP. Un trio que je ne passe pas beaucoup et j'ai un peu honte, alors qu'ils sont monstrueusement connus, ils sont souvent encore à l'affiche des magazines. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Allez, dépêchez-vous un petit peu. On fait un petit rush pour trouver. Voilà, rush. Effectivement, je n'ai pas passé beaucoup de rush sur cette antenne. J'ai réécouté une bonne centaine d'émissions avant de vous les mettre en ligne sur le site aciddragon.eu, donc vous pourrez réécouter des vieilles émissions, et ça remonte jusqu'en 88 avec des interviews exclusives, je pense à Terpande, à Pulsar, et donc ou des émissions thématiques. Tout cela, eh bien, c'est dispo sur le site d'Acid Dragon et vous suivez petit à petit le chemin prog à part. Bref, comme disait Pépin, j'ai découvert que Roche, je n'avais pas passé beaucoup de morceaux de ce groupe essentiel du prog américain et nord-américain. J'ai choisi presque au hasard, parce que je l'ai trouvé il n'y a pas longtemps dans une brocante, en fouinant avec mon ami Phil Jackson. Roll the Bones, c'est peut-être pas le plus prog, mais en tout cas le titre m'inspire beaucoup, je trouve que ce morceau est très bien foutu. Voilà, l'album date de 91 et j'arrête ma parlotte pour laisser la place au Rush. Thank you. transaction, reaction, random interaction. So who's afraid of an abstraction? Can't get no satisfaction from facts. You better run on, boy. Facts are fact from known to known. Eh bien voilà, j'ai fait plaisir à l'ami Michel, l'un des plus fidèles, si ce n'est pas le plus fidèle auditeur de Prog à part, hein, car c'est un grand fan de Rush. Il était tout content d'entendre donc ce Roll the Bones qui date de 91. Eh bien écoutez, on va tout doucement, timidement rentrer chez soi. Il fait froid, c'est l'hiver, c'est février. On va se retrouver le 4 mars, c'est un lundi, pour pas changer. Ce sera de 20h30 à 22h30. D'ici là, si vous êtes entre guillemets en manque, eh bien je vous ai indiqué qu'il y avait une foultitude d'émissions stockées donc sur un site qui est pointé dans le site d'Acid Dragon. Vous allez sur Acid Dragon, cherchez Prog à part et vous allez tout doucement aux archives, chercher archives et vous allez tomber là-dessus sur un hébergeur qui s'appelle PodCloud. Et là, une centaine d'émissions, même plus. Vous êtes presque 1000 à avoir écouté ces émissions, ça me donne du cœur à l'ouvrage. Et le plaisir d'en rajouter, j'en ai encore une petite douzaine à mettre, donc je sais que vous êtes de l'autre côté à vous régaler et ça me fait plaisir. Voilà, les news c'est à peu près tout, au niveau concert il n'y a encore rien, c'est beaucoup plus lointain, hein. Je pense à Neil Morse, je pense également, alors ça c'est courant de mars mais on pourra en reparler, un groupe français qui reprend du Pink Floyd et s'appelle Best Floyd, mais on pourra en reparler, je crois qu'ils viennent début mars à la Bourse du Travail, si je ne dis pas de bêtises, mais donc je serai là pour vous l'annoncer le 4 mars. Voilà, et puis d'ici là, il y aura également Acid Dragon qui sera sorti. D'ores et déjà, je peux vous dire qu'il y a une interview d'un des claviéristes de Greenslade, une interview superbe de Twelfth Night. Voilà, entre autres, ce qui me vient à l'esprit, plus une foultitude de chroniques comme d'habitude. J'en ai fini. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne nuit, à vous dire tenez tati, à que la prochaine, et d'ici là, je vous pète la miaille. C'était Prog à Paris, une émission proposée et réalisée par Thierry Sportouche. Ciao, ciao. Démarre au quart et toujours dans les temps où presque le son qui racle et qu'on attend nulle part. Loin des choses et des gens, souvent loin mais pas planqué, juste à l'écart. Bien, j'aime les forces vives en scred, les âmes libres et les poèmes quand ils bavent. Le silence et la pluie lorsqu'elle rapplique, ici tu sais qu'on ne vit pas sans. Découper les choses, arranger des proses, pas de celles qui tombent au premier coup d'épaule. Retourner les mots, voir leur envers, aligner les jours, détourner les codes de l'autre ère. J'aime